Don Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Nous sommes le 22 avril 2022. Voici les grands titres de cette grande édition. Les présidents du Kenya, du Burundi, d'Ouganda et de la RDC ainsi que le ministre des Affaires étrangères du Rwanda se sont convenus de mettre en place une force régionale pour neutraliser les groupes rebelles agissant dans la région de l'Afrique de l'Est. Vous entendrez les précisions du président burundais Evariste Ndayishimiye à son retour de Nairobi où s'est tenu ce jeudi un mini-sommet des chefs d'État de l'EAC. Et l'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale salue l'adoption hier par l'Assemblée nationale du projet de loi portant recrutement des travailleurs entre le gouvernement de Burundi et celui d'Arabie Saoudite. L'actualité internationale africaine est marquée par la mort aujourd'hui de l'ancien président kényan Mwai Kibaki à l'âge de 90 ans. Et à la fin de ce journal, dans la chronique environnement, un enseignant-chercheur nous expliquera le rôle joué par les zooplanctons dans l'épuration des eaux des lacs et des rivières. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour. La mise en place d'une force régionale pour neutraliser les rebelles et ramener l'ordre en RDC est une des recommandations issues du mini-sommet des présidents des différents pays de l'EAC. Un mini-sommet tenu dans la capitale kényane ce jeudi. C'est la déclaration du président burundais Evariste Ndayishimiye à son retour de Nairobi. Ces pays se sont engagés à soutenir Kinshasa dans sa lutte contre les groupes armés actifs dans l'est du Congo. Un ultimatum pour déposer les armes immédiatement et rentrer dans leur pays d'origine a été donné à tous les groupes armés étrangers en RDC. Et une réunion consultative entre le gouvernement de Kinshasa et des groupes rebelles doit se tenir ce vendredi 22 avril à Nairobi. Ce sont plutôt les précisions du président de la République, Evariste Ndayishimiye. Je voudrais profiter de cette occasion pour aussi faire un appel aux Burundais qui sont à l'est du Congo. Comme je le faisais toujours, j'appelle toujours les Burundais, que ce soit criminels ou non criminels, qui sont à l'extérieur. Vous voudrez bien nous excuser, le président de la République s'exprime d'abord sur les conclusions de ce mini-sommet à son retour de Nairobi. Par traiter la question des groupes armés locaux, où on a décidé que ces groupes doivent emprunter le processus politique pour ramener la paix dans cette région. Alors, sans condition, on a recommandé que ces groupes rejoignent le processus de dialogue et on a fait l'injonction qu'ils doivent participer sans condition et que celui qui refusera d'y participer, il sera considéré comme une force négative et il sera traité comme tel par des mécanismes militaires. Deuxièmement, ce sont les groupes armés étrangers. Alors, ces groupes doivent quitter sans condition aussi la République démocratique du Congo. Parce qu'on a trouvé qu'il faut refuser le terrain pour ces groupes. Alors, chaque groupe a été appelé à regagner son pays natal. Alors, là aussi, on a cherché concrètement des actions à mener et on a trouvé que les récalcitrants qui n'accepteront pas de rentrer dans leurs pays respectifs seront traités par des moyens militaires de la région. Alors pour cela, on a décidé de constituer une force régionale qui va alors s'occuper des opérations pour ramener l'ordre dans cette région. Alors pour cela, on a recommandé que les chefs des forces de défense de chaque pays vont se rencontrer dans 2 semaines pour planifier comment se fera l'opération compte tenu de cette situation. Et nous nous sommes convenus que dans 1 mois, nous allons encore nous rencontrer pour entendre le plan d'action qui sera présenté par les chefs des forces de défense des pays respectifs. Le président de la République, Evariste Ndayishimiye, ce mini-sommet de Nairobi réunissait les présidents du Kenya, du Burundi, d'Ouganda et de la RDC, ainsi que le ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Et c'est fin mars, après l'adhésion de la RDC fin mars à la communauté des États d'Afrique de l'Est. Le chef d'État a ainsi appelé les Burundais qui sont à l'est de la RDC, les rebelles burundais qui sont à l'est de la RDC, de regagner le bercail sans aucune condition pour éviter d'être frappés par cette mesure prise au cours de ce mini-sommet. Encore une fois, le président Evariste Ndayishimiye. Je voudrais profiter de cette occasion pour aussi faire un appel aux Burundais qui sont à l'est du Congo. Comme je le faisais toujours, j'appelle toujours les Burundais, que ce soit criminels ou non criminels, qui sont à l'extérieur du pays, doivent rejoindre leur patrie. Si ils ont commis des crimes dans le pays, ils seront traités comme des enfants de la nation. Parce que même si vous êtes criminel, vous êtes traité humainement comme enfants de la nation. Alors je les interpelle à rejoindre le pays sans aucune condition. Sinon, s'ils continuent à persévérer, ils vont subir ces mesures qui ont été prises par cette conférence. Alors, en conclusion, on a décidé maintenant d'engager aussi les deux pays qui n'étaient pas partis dans la réunion, la Tanzanie et le Sud-Soudan, parce qu'on a trouvé que la Tanzanie aussi a une frontière commune avec la République démocratique du Congo. Et aussi, dans le cadre de recrutement de ces groupes, ils cherchent aussi des jeunes tanzaniens. Donc, c'est normal que la Tanzanie aussi doit être impliquée. On a finalement trouvé que toute la région doit être impliquée et le Soudan du Sud aussi va être engagé dans cette planification pour constituer une force, cette fois-ci régionale, pour traquer ces groupes qui se trouvent à l'est du Congo. Le président de la République, Evariste Ndayishimiye. La question concernant la sécurité sociale des Burundais travaillant en Arabie Saoudite a été posée par les députés à l'Assemblée nationale. C'était ce jeudi, lors de l'analyse de deux projets de loi sur le recrutement des travailleurs en général et spécifiquement celui des travailleurs domestiques. Le ministre en charge de la sécurité publique a répondu que leur sécurité sociale sera gérée au Burundi. Ornella Mucho. De manière à prendre en compte les intérêts des deux pays. Après l'exposé des motifs sur l'analyse des projets de loi sur le recrutement des travailleurs et des travailleurs domestiques entre le Burundi et l'Arabie Saoudite, les députés ont suggéré à ce qu'il y ait le document attestant l'autorisation du conjoint pour les marier une fois que l'un d'eux souhaite travailler en Arabie Saoudite. Ils expliquent que c'est suite aux abandons familiaux déjà observés. D'autres sont revenus sur le système kafala, lequel interdit les travailleurs de démissionner ou de changer d'emploi sans l'autorisation de l'employeur. Ce système est très mauvais et désavantageux. Même les autres pays en sont contre. Il donne plus de pouvoir à l'employeur, le travailleur n'arrivant plus à démissionner ou à changer de travail sans l'autorisation de son employeur. Ce système de kafala devrait être revu. Même s'ils ont dit qu'il est dans la voie d'abolition, le délai n'est pas précisé. Il peut même passer 100 ans toujours en application. À toutes ces inquiétudes, le ministre en charge de la sécurité a rassuré que les mesures d'accompagnement seront mises en place. J'aimerais vous rassurer que dans ces accords, il a été prévu des organes de suivi. Vous avez également constaté qu'après ratification de ces projets, il y aura des mesures d'accompagnement. Nous devons être sûrs que les conditions de travail de ces Burundais se conforment au code du travail interne. Et la question concernant les abandons familiaux, qui est souvent évoquée par les honorables députés, en rapport avec ce travail, suite à vos inquiétudes, nous avons pris ça en considération. L'organe de recrutement fera le suivi pour tout départ afin de vérifier si réellement la femme qui part a eu l'accord de son conjoint. Il a également précisé qu'il sera mis en place une agence de recrutement de ces travailleurs par l'initiative d'un individu ou d'un groupe d'individus à une seule condition que les lois et règlements soient observés. Et dans ce cas, la licence sera octroyée par le ministère des Affaires étrangères. Après analyse de ces projets de loi, ils ont été adoptés à l'unanimité. Et l'adoption à l'unanimité par l'Assemblée nationale du projet de loi portant recrutement des travailleurs entre le gouvernement du Burundi et le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite permettra aux Burundais et Burundaises de travailler dans ces pays dans la dignité. Propos de Maître Prime Mbarououkeye, représentant de l'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale. Il demande au gouvernement du Burundi de signer des conventions avec d'autres pays arabes qui ne l'ont pas encore signé. Suivez Maître Prime Mbarououkeye. L'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale a pris très bonne note de ce travail et combien très louable abattu par le Parlement burundais et pour que tous les citoyens burundais puissent mener vraiment une existence et digne et conforme à la dignité humaine, conformément à l'article 27 de la Constitution de la République du Burundi. Ces deux lois viennent vraiment à prénommer car elles permettront à de nombreux jeunes burundais diplômés mais qui étaient vraiment sans emploi de profiter des opportunités d'emploi et qui leur seront offertes par cet immense pays. L'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale, ONLCT, où est ton frère, il lui demande en même temps de signer par les accords entre le Burundi et d'autres pays du Golfe arabe, notamment l'Oman, le Qatar, le Koweït, etc., afin de gonfler le volume des dossiers de l'offre et de la demande qui permettront ainsi au Burundi d'avoir toute une mosaïque d'opportunités d'emploi se trouvant dans ces mêmes pays de destination, de mettre tout son paquet pour négocier avec les mêmes pays de destination, surtout l'Arabie Saoudite, de nommer aussi d'autres ambassadeurs dans les pays du Golfe arabe non encore servis à mission diplomatique et ou consulaire pour faciliter au gouvernement de la République du Burundi de mettre en place tous les mécanismes d'échange de main-d'œuvre et comme cela vient d'être le cas avec l'Arabie Saoudite. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Le montant de 3 500 000 francs burundais, telle est la somme nécessaire pour que l'enfant Museveni, merci Seigneur, puisse bénéficier de soins médicaux en France pour sa maladie du cœur. Zawadi Joly, la mère de l'enfant, dit n'avoir pas les moyens financiers pour les soins médicaux de cet enfant et sollicite une assistance de tout bienfaiteur. Audrey Akiman. Cet enfant, Museveni, merci Seigneur, qui a un problème de malformation cardiaque, sa mère Zawad Joly dit que son problème s'est manifesté à 3 mois de naissance. Mon enfant a des problèmes du cœur. Son cœur est ouvert. Cette situation a commencé depuis qu'il a 3 mois. Elle explique également que son mari l'a abandonné suite à cette maladie, laquelle souffre son enfant. Et la vie est devenue plus dure. Mon mari m'a abandonnée suite à cette maladie de mon enfant. Je ne suis pas capable de gérer mon enfant. Je manque même la nourriture, je manque tout ce que je vais faire pour mes enfants. Zawad Joly explique qu'elle a consulté différents cardiologues et que ces derniers lui ont dit d'aller faire soigner son enfant en France. J'ai allé à l'hôpital Kira et à l'hôpital Maison Médicale. On nous a dit seulement d'aller faire les soins en France. On nous a demandé 3 500 000. Je ne suis pas capable de trouver ça. Elle demande au bienfaiteur de venir en aide à son enfant. Je demande le président de la République du Burundi et le premier ministre à la population d'ici au Burundi de m'aider à trouver cet argent. L'opération de l'enfant, Museveni, merci Seigneur, est prévue le 11 mai de cette année en cours en France. Pour ceux qui souhaitent l'aider, peuvent se rendre au bureau de la radio-télévision Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique environnement. Je vous l'avais dit dans les titres, nous parlons du rôle des zooplanctons qui sont des organismes errants dans les eaux calmes. Le professeur à l'Université du Burundi, à la Faculté des sciences, au département de biologie, Dr Simon Buhungu, dit que les zooplanctons jouent un rôle important dans l'épuration de l'eau des lacs et des rivières. Vestine Boutoui. Le zooplancton est un plancton animal. Ce sont des organismes vivants dans les eaux douces profondes, invisible à l'œil nu, mais visible grâce au microscope. Il remonte la nuit pour se nourrir du plancton végétal dit phytoplancton et redescend de la journée vers les eaux plus profondes. L'enseignant-chercheur à l'Université du Burundi dans la Faculté des sciences et département de biologie montre les lieux où l'on peut retrouver le zooplancton. Ce zooplancton, on le retrouve dans des eaux calmes, dans les lacs, dans les océans, dans les mers, dans les états d'eau et dans les mares. Pourquoi dans ces lieux? Dans ces lieux, parce que d'abord, le zooplancton, en tant qu'organisme qui ne peut pas se déplacer contre le courant de l'eau, c'est-à-dire qu'il faut qu'on le retrouve dans les eaux qui sont calmes, donc ils ne sont pas à mesure de lutter contre les courants forts des eaux. Compte tenu de sa dimension, le zooplancton se retrouve dans 3 plus grands groupes, dont les rotifères, précise Dr Simon Buhungu. On peut avoir le zooplancton, donc avec les différents groupes. Nous avons le groupe des rotifères, le groupe des copépodes, le groupe des cladocères, des ostracodes et ainsi de suite. Selon cet enseignant-chercheur à l'Université du Burundi, Faculté des sciences et département de biologie, l'épuration de l'eau est l'un des avantages qu'apportent les zooplanctons. D'abord, ce zooplancton, dans les milieux aquatiques, il constitue de nourriture aux animaux aquatiques, notamment les larves de poissons. Alors, comme les larves sont très petites, alors, étant donné que ce zooplancton sont des petites cellules, alors les larves sont à mesure de visualiser ces organismes dans les eaux et s'en servir comme nourriture. Les zooplanctons transfèrent de l'énergie à partir des producteurs primaires jusqu'au haut niveau de la chaîne trophique. C'est-à-dire que même nous, en tant qu'humains, nous sommes intéressés par la présence des zooplanctons, puisque le zooplancton qui est mangé par les larves de poissons, à la dureté, l'homme pourra manger le poisson. Vous comprenez qu'il a transféré l'énergie à partir des producteurs primaires qui sont le phytoplancton jusqu'à l'énergie supérieure. D'abord, le zooplancton, il purifie l'eau en faisant l'épuration, c'est-à-dire qu'en consommant les substances organiques qui se trouvent dans l'eau, il faut en même temps l'épuration des points d'eau. Docteur Simon Burungu conseille à la population de protéger les lacs et les rivières contre la pollution de l'eau pour enfin favoriser la multiplication des zooplanctons qui contribuent à la survie de l'être humain. Vestine Butoyi est en actualité africaine. L'ancien président kenyan Mwai Kibaki est décédé à l'âge de 90 ans. C'est un triste jour pour nous en tant que pays. Nous avons perdu un grand leader. L'ancien président Mwai Kibaki a déclaré M. Kenyatta dans une annonce solennelle retransmise à la télévision officielle. Il est 13h12 à Bujumbura et sur Isanganiro. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à François Akimana pour la mise en onde au micro. Jean Bosco Ndouimana, passez un très bon après-midi.